21h, on ne sait jamais, hein. Quoi que ce soit, on est mercredi. J'ai amené des disques au cas où, mais il y a le mix de Léo entre minuit et 2h quand même, hein. Ouais, faut peut-être pas abuser. On verra. Soyez sages, les enfants, hein. Prenez patience. Maxime, quand on est tout à l'heure, on retrouvera, bien sûr, un peu plus tard, vers 22h, 22h30, parce que là, il pourra gueuler, hein, c'est ça? Ouais. Et notre bonne nouvelle, c'est que tout à l'heure j'ai passé Nono d'MTI. Nono d'MTI d'Aubenas existe toujours, il est toujours sur la radio MTI. Et il commence ses émissions tous les soirs à 22h. Et un auditeur nous a appelé, nous disant qu'il l'écoute de temps en temps. En tous les cas, il connaît l'existence de Nono, il nous écoute nous. Ah, bien sûr, hein, qui... on peut pas écouter autre chose que moi. Mais bon, il connaît encore l'existence de Nono. Et il nous fera écouter en direct à la radio le démarrage de l'émission de Nono à 22h pile. Donc soyez là. Et dans tout juste un quart d'heure, 20 minutes, eh bien, ça sera le nouvel épisode. Et ça ne t'a pas raté non plus. Du sitcom du Star System que nous avons rebaptisé ici la Radio Libre en Folie. Voilà, dans quelques instants, ça va être en compagnie de Vincent, que je vais d'ailleurs accueillir tout de suite. Vincent, t'es là? Voilà. On va faire un petit kiki donc dans un instant à ton oncle, tu vas baisser la radio derrière toi, d'accord, qui est un fan de l'Olympique de Marseille. Mais juste avant, j'ai diffusé des extraits d'animateurs radio et j'ai parlé d'un certain DJ que j'affectionne tout particulièrement sur RGB. Bon, ça date d'il y a quand même belle lurette, Pépé Funky. Et voici donc ce que ça donne. Vincent! C'est moi qui ai dit what's en premier. Qu'est-ce qu'il y a, ta mère? C'est sa mère qui demandait. Ouais, ouais, elle stresse là. Pourquoi elle stresse, ta maman? Ouais, je sais pas. Je veux qu'il soit gentil avec mon tonton. Mais il est gentil avec votre tonton, il a fait waza. Waza, c'est un phénomène de société, c'est comme on dit ouais. Waza. Ma mère, elle l'a inspiré trop, tu vois. Bah ouais, mais enfin, tu lui diras à ta mère que Waza, c'est extrait d'un film qui a été le carton aux États-Unis et en France chez les jeunes de ton âge, et c'est normal. Donc on dit plus bonjour, c'est ta mère, elle devrait dire Waza, Vincent au réveil. Waza. Waza, bah voilà, voyez, on y arrive. Waza. Voilà qui fait plaisir. Vincent, avant qu'on fasse le kiki donc à ton oncle, on va donc écouter Pépé Funky qui est RGB. Et tiens, puisque Thomas vient d'arriver pour écouter le kiki donc qui va arriver tout à l'heure, tu devras en prendre graine un petit peu de ces intros d'émission. Ça, c'est de la véritable intro d'émission. On est samedi en plein milieu d'après-midi, voilà ce que ça donne. Ça, c'est autre chose. Oh là là, mais quoi, mais c'est vraiment une merde. Ça, mais je sais que je suis une merde, et moi je le dis. Mais oui, je sais, je suis une merde, je sais, je suis une merde à 2-3 soleils. Voilà, c'est ça. Je vous présente Pépé Funky, le retour. Et après, je fais la même intro que lui aussi quand il parle. Bienvenue en plein cœur de la musique. Musique. Eh ouais. Des couleurs. J'en ai des jingles et des chevaliers, il n'y a qu'à demander, hein. Exclusivité. Nouveauté. Import. Flashback souvenir. Ambiance. Écoutez bien, toute hein. La musique, toute la musique est au rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous. Music Machine. Écoutez bien. Let's go. Oyez, oyez, citoyens, citoyennes, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de RGB 99. Bienvenue sur RGB, la radio qui vous fait bronzer. C'est parti. La plus grande discothèque d'Europe, c'est comme ça tous les samedis de 14 à 17h, en compagnie de moi-même, Pépé Funky. Le gros arrive. Le complètement fou vous fait défondre devant la fait manger à chemin vif, mais c'est moi qui vous aime. I love you, yeah, yeah, yeah, yeah. Où que vous soyez, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, eh bien mes amitiés, mes bonjours. À toutes et à tous, ne changez plus, vous êtes sur la bonne fréquence. Salut à toi mon ami, mon maître. Là, il parle à moi là, hein, bien sûr, hein, je suis son maître. Hein. Salut à tous les bons collègues, les amis, les disques jockeys. Encore une dure nuit cette nuit. Eh bien, ça y est, le rideau est levé, la moquette est déployée, les lumières sont tamisées. Bienvenue dans la plus grande discothèque d'Europe, c'est parti, c'est comme ça jusqu'à 17h, les amis. Ça date de 94-95, ça vaut pas mieux qu'à 80-82. Hein. Un maximum. Ouh, ça c'est bon, Quench Dreams. Survolté. Salut tous les amis de toute la FM. Salut à toi. Il est peut-être mort lui depuis. Hein, attention, le prochain c'est le coup de cœur de Pépé Funky. Salut Funky. Et ça je le dédicace personnellement à mon ami que vous retrouvez ce soir à partir de 21h, Mr. Joe. Ah bah c'est moi normalement. Alors attention Joe, ça c'est pour toi, c'est pour vous les amis. C'est la version intégrale. Elle s'appelle Madame. À ce niveau-là, on les appelle les dames. Madame Aretha Franklin. Eh bien, 11 minutes 15. Pepe Funky et Frédéric vous dédicace à toutes et à tous. La plus grande discothèque d'Europe, c'est comme ça tous les samedis de 14 à 17h. Où que vous soyez, qui que vous êtes, ne changez rien. Bienvenue sur RGB 99.2 MHz en FM. Dans 10 minutes, nous aurons fini notre première heure musicale ensemble. Une connue, inconnue de personne, Mademoiselle Céline Dion, que je dédicace à vous toutes, mesdames, mesdemoiselles. Blonde, brune, rousse, à toutes les fifilles. Une pensée tendre et sentimentale de la part de Pepe Funky. Voilà, ça c'est ça. Mais je résiste pas au plaisir, Vincent, avant de faire le kiki. Donc je ne sais pas pourquoi, encore un petit peu de nono qu'on retrouvera tout à l'heure en direct à 22h de sa radio MTI. Allez, juste 20 secondes, 30 secondes. Bienvenue sur la nouvelle planète dance. MTI. Nouvelle sensation, nouvelle dimension. C'est mon préféré, lui, nono. Live. La nouvelle. The Sound of the Weekend, vous allez voir. Écoutez. The Sound of the Weekend. The Sound of the Weekend. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Chaque week-end, bougez au son de la nouvelle, nouvelle musique. NP. 4 fonds de nouveauté sur le programme MTI, la musique ne s'arrête jamais. 21h07. Sur MTI, la musique continue, ça s'enchaîne toujours. Écoutez bien. À move on up. Ce qu'il va faire. Si on veut, on peut le ralentir, hein, ça donne ça. Sur MTI, la musique continue, on déballe les tubes et on remballe les bulles, on accélère. Ah là là, etc, etc. On pourra parler pendant des heures. Nono, que vous venez d'entendre là, ça date d'il y a 4-5 ans, est encore en ce moment en direct sur une radio MTI. On l'écoutera tout à l'heure en direct à 22h grâce à l'un d'entre vous. Vous nous ferez vivre le début de cette émission. Attention, Vincent, on va y aller. 17 ans, il va falloir baisser la radio derrière, sinon ton oncle va entendre qu'il est en direct à la radio. Quoique bon, on va lui dire qu'on est en direct à la radio. Ouais, oui, Vincent, oui, Vincent. Pardon ? Ah bon, lancez l'écho avec le portable. C'est pas bien grave, donc c'est juste dans mon casque et ça s'entend peut-être pas de l'autre côté. Vincent, on y va, c'est parti, on appelle Francis. Nous sommes radio. Non. Quoi ? Marseille FM. Ah, moi je suis Francis alors. Ah ouais, d'accord, on appelle Alain, 39 ans, qui est ton oncle. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, Marseille FM, même pas Radio Bleu. Non, Marseille FM, ça pour ça va, je l'avais compris. 3 abonnements, tribune centrale. Voilà, gagné. Pardon ? J'ai coupé. Oui, gagné, oui, bien sûr. Pas à perdre, on va pas lui dire, tiens, on va jouer pour perdre des... Oui, allô. Allô, bonjour. Oui, allô. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que c'est possible de parler à Alain ? Oui, n'hésitez pas. Merci bien. Change de voix. Merci bien. Allô ? Allô ? Oui ? Oui, bonjour. Oui, pourquoi ? En direct en ce moment sur Marseille FM. Oui, ben bonsoir. Bonjour, bonsoir. Est-ce que c'est possible de parler à Alain ? C'est moi-même. Oui. C'est moi-même. Bonsoir Alain. Bonsoir, ça va ? Vous allez jouer avec nous, bien sûr, pour gagner un superbe, je l'espère, abonnement en tribune centrale pour aller assister au match, on l'espère, pas de deuxième division de Marseille. Marseille. Pas de malheur. Hein. Très bien, content d'être avec vous ce soir, notre ami Alain. Ouais, moi aussi, ravi. Le public est là. Ouais. Et bien sûr, je retrouve Alain normalement, bien sûr, c'était Canular. Bonsoir à tous, bonsoir. Allô Alain ? Oui, je suis là. Bonsoir, vous êtes en direct à la radio sur Marseille FM, j'espère que vous êtes en forme. En pleine forme. En peut-être pleine une forme. Possibilité pour vous d'acquérir, bien sûr, 3 abonnements en tribune centrale. Mm-hmm, pour vous, bien sûr, une succession de questions subsidiaires. Chaque point, bien sûr, bien répondu aux questions. À ce moment-là, on grave les échelons, maximum de points bonus. Et voilà, bingo, c'est parti. Dans la poche, on repart avec 3 abonnements en tribune centrale. Émission, bien entendu, en direct, enregistrée cet après-midi. Attention, est-ce que vous êtes prêts ? Alain, je vais vous poser la première question subsidiaire de ce questionnaire. Allez, je suis prêt. Est-ce que vous êtes prêts à jouer avec nous ? Je suis prêt. Très bien, on rappelle que Alain, vous êtes 39 ans. Ouais, c'est ça, malheureusement. Et vous avez un fonctionnaire, non ? Comment ? Vous êtes... Non, pas du tout, pas fonctionnaire. Vous faites quoi dans la vie ? Malheureusement. Vous faites quoi dans la vie, finalement ? Je suis acheteur. Oui, bon, c'est presque pareil. Hein. Ouais, bon, allez, on va dire ça. Allez, vous êtes en direct. Vous connaissez l'émission un petit peu ? Vous nous écoutez un petit peu, quand même ? De temps en temps, quand il y a un peu de temps, ouais. De temps en temps, très bien. Vous écoutez quoi comme programme, généralement, chez nous ? Oh, j'écoute comme ça, sans heure précise dans la journée. D'accord. Vous connaissez l'émission du soir de Marseille FM? Un petit peu. D'accord. Deux fois, ouais. Vous savez que la semaine dernière, on a offert pareil, des abonnements pour 4 personnes, abonnement aux tribunes présidentielles à Francis, Franciscan, qui doit nous écouter. Franciscan, on vous embrasse, hein, bien sûr. Francis. Voilà, le public s'en souvient très très bien. Alors j'espère qu'on va pouvoir réitérer. On va essayer de refaire la même chose. Rééditer, oui. Oui, voilà, c'est ça. Alors, première question, est-ce que vous êtes prêt? Allez, je suis prêt, oui. Vous nous écoutez un petit peu quand même. Ah ouais, totalement. Vous savez, vous avez un temps de réflexion encore. Ouais. Je vous pose la première question qui est relativement simple, mon petit Alain. C'est en rapport, bien sûr, avec le club de Marseille. Ouais. Les supporters du club de Marseille dans les tribunes. Oui. Scande, bien entendu, un chant que je vais vous donner. Il manque la fin, ça sera à vous de deviner en fonction des 4 possibilités que je vais vous proposer. D'accord. Ce soir on vous met. Ce soir on vous met la table. On vous met joint. On vous met dans le cul. Ouais. On vous met le feu. On va vous laisser réfléchir un peu. Allez, alors, le feu. C'est relativement simple, Vincent. Je vous rappelle la question, bien sûr, qui donc un peu spécial ce soir pour gagner des abonnements qui de Marseille. Les entrées sensations supporters vous disent ce soir on vous met, ce soir on vous met la table. On vous met la table. Non, attention, public essaie de vous déstabiliser. Non, non, on vous met le feu. Ce soir on vous met dans le cul, on vous met joint, on vous met la table, on vous met, le feu. Vous me dites? On vous met le feu. C'est une bonne réponse, bien sûr. On vous met le feu, bien sûr. Ouais, facile, facile. Ah, c'était pour commencer, quelque part c'était pour se mettre en jambe. Hein. Ouais, c'est très, ouais, c'est facile. Hein. Pour l'instant, ça vous fait 5 points. Qu'est-ce que vous faites? Vous décidez d'arrêter ou vous décidez de continuer? Non, je continue et c'est mon dernier mot. Évidemment, on a un petit peu copié, bien sûr, dans l'ambiance de Jean-Pierre Fouquel, qui est supporter et qui est qui est supporter de Toulon. De Rennes. L'Olympique de Rennes. Vous aimez plaisanter. Ouais, ouais. Et c'est tout à votre honneur. Bravo. Le public est content quand même. Attention, deuxième question, Alain, soyons sérieux. Je rappelle qu'il y a 3 abonnements pour les tribunes présidentielles avec les, bien sûr, 3 abonnements avec les personnes de votre choix. Ouais. Pour l'instant, vous avez 5 points. Vous continuez. Je continue. Attention, vous êtes fan de l'Olympique du Sud. De Marseille. De Marseille, pardon, bien sûr. Je vais vous donner 6 noms de joueurs. Ouais. 6 noms de joueurs. De football. Ouais, il vaut mieux. Parmi ces 6, bien sûr, 2 ont mouillé le maillot de l'Olympique de Marseille. À vous de me dire, bien entendu. Lesquels? Vous avez déjà lu les questions? Non, non, pas du tout. Vous êtes au courant peut-être, non? D'accord. Effectivement, vous allez me dire... Comment le serais-je? Écoutez bien, d'accord, vous êtes concentré? Ouais, très concentré. Soyons sérieux, attention, hein, vous êtes quasiment à vos 20 points en bonus, si vous en avez 5 pour le moment. Oh, sachant que cette question vaut 10 points. D'accord. 2 noms de joueurs de l'Olympique de Marseille parmi la liste des 6 que je vais vous donner, attention. Mm-hmm. Je vous propose Jean-Paul Tibia, François Corner, Jean-Pierre Papin, Paul Entorse, Christophe Orgeux et Didier Deschamps. Allez, bien sûr, il y a des pièges dedans, bien sûr, on dirait Kikidon, bien sûr, pour gagner des abonnements à l'Olympique de Marseille, bien sûr, sous-traitance, peinture à avalement et maillot t-shirt inclus. Vincent, votre neveu vous inscrit, Vincent, et c'est très important pour nous. Alors, attention, public vous encourage, réfléchissez. C'est tout réfléchi. Je vous rappelle quand même les noms des 6 pendant que le public continue à applaudir, non? Ouais, ouais. Pour mettre un peu d'ambiance, écoutez bien, attention Alain. Parmi ces 6 joueurs de football, 2 ont joué et mouillé le maillot de notre équipe. Attention, je vous propose Jean-Pierre Tibia, François Corner, Jean-Paul Papin, Paul Entorse, Christophe Orgeux et Didier Deschamps. Je vous demande, qui sont ces 2 joueurs qui ont maillé maillot parmi ces 6? Allez. Jean-Pierre Papin et Didier Deschamps. C'est une bonne réponse. Eh ben dis donc. Vous nous écoutez un petit peu, pour l'instant c'est très simple. C'est là où ça va se compliquer. Pour l'instant ça vous fait 15 points. Vous nous écoutez un petit peu quand même, vous avez dit ça. Hein. Vous ouais. écoutez régulièrement Marseille FM dans la journée. Vous avez suivi les scores d'aujourd'hui, championnat de France? Non, pas du tout. D'accord. Vous avez... J'ai vu que Metz avait gagné à Strasbourg. Ouais, et vous c'est êtes. C'est pas nos affaires. Pardon? C'est pas les affaires de l'OM. Bah vous ferez peut-être vos affaires si vous gagnez en voyage, bien sûr. Ah oui, bien sûr, j'ai essayé. Le public est là. Ouais, le public est surexcité. Vous... Ce soir, on vous met la table. Non, le feu, le public, quand il a déconné, il a dit le feu, c'était la bonne réponse. Attention là, soyons sérieux, mon petit Alain. Oui, je suis sérieux. Il vous manque encore 5 points et vous repartez, bien entendu, très sérieusement, avec 3 abonnements tribune centrale, bien entendu, pour assister à tous les matchs de la première division de l'équipe de Marseille ou deuxième division. Mm-hmm. Pour ça, la dernière question est très importante. Elle vous rapporte, bien entendu, les 5 points suffisants, bien entendu. Ok. Question que je n'ai pas du tout préparée. Mmh. Attention. C'est dur, c'est dur. J'espère que vous connaissez correctement tout ce qui touche la tenue officielle adulte de ouais. l'équipe de Mars. Mmh. Aïe, aïe, aïe. Non, non, allons-y. Écoutez bien, c'est une question très difficile. Ouais. C'est ce qui fait rire. Le public a l'air de rigoler. Non, mais attendez quand même. Hein. Soyons sérieux quand même. Le public a envie de déconner ce soir. Hein. C'est tout à son honneur. Ouais. Vous avez bien entendu un joker au cas où vous voulez l'utiliser. Première question, attention, soyons attentifs. Je vous demande le prix exact concernant les casquettes d'écharpe. Je vous demande, Alain, attention, attentif, 39 ans, quasiment fonctionnaire, de me donner ouais. le prix exact à 5 francs près. Ouais. Du Bob Tendance de l'Olympique de Marseille. Hey du Bob Tendance. Ça s'appelle le Bob Tendance de l'Olympique de Marseille à 5 francs près. Je vous demande le tarif exact, bien entendu, Alain, pour ces abonnements. 3 ans d'abonnement pour 8 personnes, tribune centrale. Pardon, 3 abonnements, tribune centrale pour l'année prochaine. Le prix, s'il vous plaît. Joker. C'était 149 francs malheureusement, mais vous avez utilisé votre joker, bravo, il a utilisé son joker. Bravo, il fallait l'utiliser, il fallait être courageux, bien sûr. Attention, attention, question de joker, vous avez le droit, bien entendu. Ouais. D'utiliser la question de joker. J'espère que vous êtes prêts. Je suis prêt. Nous restons toujours dans la tenue vestimentaire de l'équipe de Marseille, bien entendu, vous connaissez ça par cœur. Oui, un petit peu. Je vous demande le prix exact à 5 francs près de la casquette classique peau de pêche de l'Olympique de Marseille. C'est véridique, hein, casquette classique peau de pêche retrouvée sur internet, les classements. Je vous demande bien entendu de me donner son prix exact. Je vous écoute. J'ai plus le droit d'un joker. Ah non, vous n'avez plus le droit malheureusement. Le public suit encore mieux que vous, bien sûr. Vous n'avez plus le droit d'un seul joker, hein, le public. Non. Il ne reste plus qu'une seconde. 160. Vous me dites 160 francs. 160 francs, catastrophe. Et non, malheureusement, c'était pas le prix, c'était 75 francs. Ben tant pis. Mais c'est perdu, bien entendu. Tu te mets où je pense. 3 abonnements, tribune centrale. Je vais essayer de les faire rentrer. Hein. À votre avis, vous les mettez où? Eh ben... Aux espoirs perdus. Non, pas du tout, c'était dans le cul. C'est dommage, c'était une question qui aurait pu bien sûr vous donner la possibilité de revenir dedans. Hein, tes 3 abonnements, tu peux te les mettre dans le cul. Voilà, les supporters de Marseille, ce soir on vous met, ce soir on y met dans le cul. Oui, apparemment le chant n'a pas l'air, pour certains c'est dans le cul, pour certains on vous met la table, pour certains on vous met le feu. En tous les cas, merci, on peut applaudir Alain. Ouais. Et on vous salue bien entendu toute l'équipe de l'Olympique de Marseille, tous les entraîneurs. Merci Alain d'avoir participé. Salut, bonne soirée. Merci à vous, au revoir. Merci à toi Vincent, c'était très sympathique. On a bien rigolé quand même. Ça va Vincent? Ouais, ça va. Ouais. Ça t'a fait plaisir? Ouais. Voilà, c'était sympathique. Sympa, c'était bon. Pardon? Il était bon. Hein. Il était très bon, il n'y a pas de problème. Merci à toi. Tu quittes surtout pas, je vais t'offrir un CD. Hein okay. Et puis comme on aime Marseille. Bien Marseille et que Marseille, bien entendu, c'est avant tout le groupe IAM. La force est noire, noire comme le château où flottent l'étendard, notre drapeau. Voilà, le côté obscur de la force va arriver dans un instant avec le groupe IAM et la suite de la Radio Libre, bien entendu. Les filles, si vous voulez décoincer sans plus tarder un certain Lionel 35 ans de Paris qui sait pas ce qu'il veut dans la vie, que ça soit pour choisir une paire de chaussures, une voiture ou une meuf, les filles, venez un petit peu lui dégorger le poireau, appelez-le, parlez-moi de cul, soyez violent, parlez-moi de sexe, parlez-moi de baise, parlez-moi d'amour au 0803 08 5000. À tout de suite. Une fois encore, j'ai besoin de vous. Votre mission, si vous l'acceptez. Réglez votre radio réveil sur Fun Radio avant 8h15. Jouez au jour le plus fun avec Bob, Zay et Martin pour gagner le cadeau du futur. Eh bien, ce n'est pas mission difficile, monsieur Pan, c'est mission impossible. Difficile serait un jeu d'enfant pour vous. Pour fêter la sortie en vidéo et DVD de Mission Impossible 2, Fun Radio vous offre un lecteur DVD équipé du tout nouveau système Glastron. C'est un Walkman DVD avec des lunettes de vision 3D qui va vous permettre de mater les exploits de Tom Cruise où que vous soyez. Je le veux tout de suite. Alors joue au jour le plus fun avec Bob, Isa et Martin à 8h15. MI2 en vidéo et DVD avec Fun Radio. Bonne journée. Bon, Jean-Guilaine, tu as 30 secondes pour trouver l'un des milliers de purs plans à décrocher aux enchères Coca-Cola. Je suis prêt. Ce pur plan fait. Ah, c'est toi, je viens de recevoir ton message. Rendez-vous à 8h, ça marche? Je suis prêt. Ça fait aussi... Je suis prêt. Bon, allez, je te le dis, Jean-Guilaine. En ce moment, il y a un téléphone WAP Alcatel avec un an d'abonnement au compte mobile Ola à décrocher sur Coca-Cola.fr. Et là, tu fais génial. Je suis prêt. Génial. Hé, il y a forcément un pur plan pour toi. Et c'est un jeu gratuit sans obligation d'achat, sans modalité sur les produits portant de l'offre. Salut. Est venue par flash. Elle a vu des objets, des arbres, un endroit qu'elle connaît, intuition. Et puis, elle a vu le corps. Kate Blanchett, Keanu Reeves, intuition, une seule certitude, la peur, le 18 avril au cinéma. Fun Radio, Fun le Tempo, avec numéro 1 DJ volume 4. On exclut B-Boys, Waza, Destiny's Child, Chantez-vous, Anastasia. Numéro 1 DJ, volume 4, Daddy DJ, Eileen, Tempo, Lucifer. Numéro 1 DJ, volume 4, tous les meilleurs sons des discothèques. Un disque Universal Music. Fun Radio. Le fils de Jafar, le sale rejeton de Dark Vador, le grand cador du maniement, le mic j'adore. Adapter ma technique à la manière du caméléon, sans pitié pour mater la rébellion. Millénaire salive empoisonné langue amère, un pilote V50 en tant que sabre laser. Quoi, ma conscience comme seule médaille. Je traque et je tripe sans remords tous les chevaliers de Jedi. La haine monte en toi, je le sais parfaitement. Je vois ta main droite gantée de noir. C'est sans espoir, la mutation s'amorce. Ta nature que tu obtures, le côté obscur de la force. Viens vers moi, passe le pont de part en part. Rejoindre ma demeure dans la lune noire. Mars et l'Empire, je lance mes troupes à terre pour éradiquer ce nid de Jean-Claude Godin Skywalker. Petit présomptueux, ne vois-tu pas le nombre déployé? L'armée des ombres, tu seras éliminé. Au nom des forces mystiques qui habitent là dans mon cerveau, je ne donne pas cher de ta peau. Le souffle de la force est en moi. Le microphone crépite, crache des tas de flammes sur les en poil, fils de Dieu, tremble mais lutte avec ses armes. Renverse les créneaux qui lui semblent erronés. Brise les traîtres de la tête au péroné. Par la peur, l'ennemi reste sclérosé. Longue vie au règne de la nuit, d'une théorie qui renverse les croyances établies. Aide-moi. Idiot, il est trop tard, tu appartiens au sinistre sombre seigneur vêtu de noir. Casque sous le roc, sous une armure du soldat le plus dur de l'empire du côté obscur. Obscur, la force est noire, c'est noir comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté. Obscur, la force est noire, c'est noir comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté. Obscur. Fais ce dernier pas en direction de la force. Tu t'entraîneras la vraie nature de la force. Comprends-tu maintenant ce qu'est la force obscure? La force. Oui, la force. Ah, le côté obscur de la force. Ça, ça fait plaisir. Voilà, un spécial casse dédié à tous ceux qui nous écoutent sur Marseille, dans le sud de la France. Je sais d'ailleurs que partout en France, on aime Ayam, mais c'était en rapport avec le kikidon qu'on a fait tout à l'heure. Et voilà, et ces places de l'OM que malheureusement nous n'offrirons pas, mais bon, ce n'est que partie remise. Je rappelle d'ailleurs au passage que si vous avez envie d'entendre des morceaux sur l'antenne de Fun Radio ici entre 21h et minuit dans la Radio Libre, vous faites vous-même la programmation, n'hésitez pas à me le faire savoir sur le répondeur 01 40 521 521. Il y a un morceau que vous me demandez souvent et que je ne mets pas assez régulièrement, c'est promis, ça viendra avant minuit. C'est Dido. Ah, elle est bien cette charmante demoiselle. Dido, c'est un morceau un peu trip-hop mais qui fait triper tout le monde, les filles comme les garçons. Avant de retrouver Nono en direct d'MTI, on va écouter, et pourquoi il faut le faire maintenant, et on fait le sitcom juste après. Ah, alors le sitcom il fait 3 minutes donc tu vois, ça sera peut-être commencé. Bon, alors le sitcom juste après Nono, un animateur radio d'MTI que j'aime particulièrement. Eh bien, nous sommes en direct avec un auditeur qui s'appelle Bruno, qui a 17 ans, qui est de Pierre-Latte. Salut Bruno. Salut. Et donc quand on a commencé à rappeler les bons vieux souvenirs de Nono d'MTI, tu as appelé sur le standard pour dire à Fildar que Nono existait toujours et qu'il sévissait tous les soirs de la semaine. Ouais, 22h minuit. Encore, ouais. D'accord, très bien. C'est vrai que ça fait. Excuse-moi, tu l'as déjà vu en vrai, Nono? Non, j'ai jamais vu en vrai. On a sa photo. Ah, la photo de Nono, il m'a déjà appelé en direct. On a déjà eu l'occasion de discuter un peu avec lui. Et puis voilà, il est où Nono? C'est lequel? Là, Nono. Oh, la pure tête de Nono. Nono bronche des platines. Pour ouais, deux autres. Pour... Oh, bah, il a une bonne bouille. House, techno, hardcore, hard house. Le tempo à son maximum. C'est du lundi au jeudi de 22h à minuit avec Nono. Il fait même plus le vendredi soir. Attention, on y va, c'est parti. On écoute en direct? Bah ouais, allez. Vas-y, mets-moi du son. On va écouter en direct l'introduction de l'émission de Nono et après le sitcom du Star System. Alors attends, parce que là, c'est jingle. Vas-y, voilà, vas-y, mets du son, mets du son. T'enregistres, hein? Allez, on est parti, on se réveille. Bienvenue à vous dans le monde de Maximum. Le maximum de nouveaux sons, c'est MTI, c'est votre radio locale sur 5 départements, Drôme, Ardèche, Gare, Vaucluse et les Bouches-du-Rhône sur 4 fréquences, 102.3, 102.1, 106 et 95.7. Vous avez trouvé la vôtre. Oui, vous avez trouvé votre honneur. MDI, le nouveau son, l'émission Maximum. Minuit. Bon message, 04 75 96 52 10, 04 75 96... On va l'appeler. Ouais. Ah, c'est bien, on va l'appeler. Il a changé, hein. Depuis qu'on l'a beaucoup passé sur l'antenne, je crois qu'il s'est fait un peu allumer, puis il s'est dit, tiens, je vais faire un petit peu de progrès, ça ferait pas de mal. Et je crois qu'il a fait des progrès, et malheureusement, ça nous fait du mal, c'est parce qu'il a vraiment fait des progrès. On a le numéro de téléphone, on va les appeler, là. Allez, on va les appeler. Après le sitcom, on va passer le sitcom, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer, donc, tu connais, Bruno, ce qu'on a fait mercredi dernier? Ouais, un peu, ouais. T'as écouté, non, un peu. T'as écouté ou t'as pas écouté? Non, j'ai pas écouté. Bon, alors, pourquoi tu fais genre, j'ai écouté, alors? Ça sent bien, t'as pas tout, ouais. Merde. Ah m'énerve ça. Alors j'écoute pas. T'as écouté ou t'as pas écouté? Non, j'ai pas écouté. Bon bah alors il faut le dire. J'ai pas écouté. Bon bah voilà, alors on offre maintenant tous les mercredis à 21h45, 22h, là on a un peu de retard, un sitcom, c'est la radio libre du Star System en folie. Et on va mettre en situation à chaque fois des moments forts de la journée. Je sais que vous voulez toujours savoir ce qui se passe derrière le poste de radio. Eh bien, ce soir, nous allons vous offrir, avec toute l'équipe du Star System, comment se passe l'enregistrement d'une promo avec le producteur Thomas. Donc voici, sans plus tarder, le nouvel épisode de la Radio Libre en folie. Pendant ce temps-là, vous nous appelez au 0800 308 5000. Aujourd'hui, l'équipe du Star System doit enregistrer un texte avec Thomas, leur producteur rouquin. Nous allons donc découvrir les coulisses de la prod. Pour le moment, l'équipe est dans la cabine d'enregistrement et elle attend impatiemment l'arrivée de Thomas. Bah alors qu'est-ce qu'il fout? Putain mais je sais rien, il avait dit 5 minutes. J'ai pas que ça à foutre moi. Ah ouais, t'en es vraiment sûr de ça? Ok, super. Et dis donc Max, t'as pas le texte là qu'on répète un peu au moins? Non, je, c'est papa, ou Lily, Lélé. Attends Max, je veux même pas savoir pourquoi tu parles comme ça. Mais si, c'est bonne nuit, il me dit tu répètes. Alors, je répète. Hé, hey, j'en ai vraiment ras le cul de ton culé de producteur de merde de mes couilles. Putain, je suis méga vénère, méga rebelle. Le portable de Manu se met à sonner. Allô, oui. Oui, oui bébé, oui. D'accord. Oui, moi aussi je t'aime. Fais gaffe Manu, hein, je te trouve un peu trop rebelle avec ta femme. Une porte s'ouvre. Ah bah quand même. Et non Thomas, bon allez on y va, là, parce que moi j'ai rendez-vous avec un producteur de télé, j'ai pas que ça à foutre. Hein. Je veux dire, j'ai rendez-vous avec l'assistant qui connaît bien le frère d'un producteur de télé, quoi. Quoi? Bon bah d'accord, je vais prendre un verre avec un pote, alors voilà, bon, oh là là, la loose. Mais non, mais c'est pas grave, mais moi aussi ça m'arrive. Et tu crois que ça me rassure ça? Bon allez les gars, c'est quand vous voulez là. Je vous explique, vite fait, on va enregistrer une promo pour l'émission et... Mais hey, Thomas, j'ai pas de son dans mon casque là. C'est normal, c'est le casque de mon scooter. Ok, excellent, allez, allez, on y va, Thomas, t'es prêt? Attention, test, 1-2, 1-2, 1-2, Limoges, Caen, Bastia, Limoges, Caen, Bastia. Max, excuse-moi, d'habitude, on dit Paris-Bordeaux-Le-Mans. Hein. Bon, c'est qui le chef, Fildar? Ah, c'est toi. Ouais, bah alors justement, tu fermes ta gueule. Ah, Anka aussi, hein, parce que tu pues des dents, je me demande si t'as pas vomi, quoi. Bon, c'est Anka qui commence. Tous les soirs sur Fun, retrouve Max et toutes... Attends, j'étais pas prêt, là, bon, vas-y, là c'est bon. Tous les soirs sur Fun, retrouve Max... Non, mais arrête, t'es nul. Non, il a raison, là, Fildar, Anka, c'est vrai que l'intonation, c'était pas terrible, là. Attends, pas terrible, c'est un euphémisme. Hein, bon. Un quoi? Bon, on avance pas, là. Ah bah, t'as qu'à mettre un pied devant l'autre. Bon allez, je commence et puis c'est tout, hein. Je vais faire ça direct, one shot. Mille et mille, mille et mille et millénaires. Allez Max, fais-le toi. Bon d'accord, attention, t'es prêt? Tous les soirs sur Fun, tu peux me retrouver, m'admirer, m'adorer, m'aimer, me vénérer, m'idolâtrer sur Fun, dès 21h. Pas mal, ouais. Ouais, moi je dirais, c'est peut-être un poil mégalo quand même. Et attends, on va faire du cheval? Mégalo, galop. Ah, c'est très drôle, bah attention, je la refais, attention, hein. Mets-moi un petit peu plus de back voice s'il te plaît Thomas. Ouais, voilà, comme ça, c'est parfait. Tous les soirs sur Fun, retrouve-moi avec toute mon équipe pour bien t'amuser avec du bon rire. On la garde, elle est bonne, celle-là. Et attends, il y a Kanka, là. Hein. Eh bah, bravo, on a encore bien bossé. Quel professionnalisme! Avec une telle promo, l'émission, elle va être vraiment beaucoup plus écoutée. Et comme le disait Prince, lorsque tu deviens producteur, attention à ne pas oublier le beurre. Méditez bien là-dessus et surtout ne ratez pas le prochain épisode de La Radio Libre en Folie! Et voilà, vous retrouverez le prochain épisode mercredi prochain, 21h45, 22h. Bruno, t'étais mort de rire. Ah bah ouais. Bruno, t'étais mort de rire. T'étais mort de rire, Bruno. Ah, complètement. T'étais mort de rire. Et encore, attention, hein, l'épisode numéro 3, on l'a déjà écrit, il est encore plus béton. Hein. C'est encore plus bourré de jeux de mots, c'est encore mieux joué de la part des acteurs. Enfin, on sent qu'on est bien dedans, là. On a déjà été contacté par AB Productions, ah, ouais. Et ils veulent absolument produire ce truc-là. Ils disent, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu un truc aussi merdique. Ouais. Ça leur rappelle les bons vieux souvenirs des débuts des années 90, fin des années 80. Ah ouais, on va prendre du sucre en plus. Ouais, ça pourrait être bien, ça pourrait être bien, ça pourrait être bien, ça pourrait être très bien. On a imaginé avoir un studio de télé, radio, tout habillé en rose, avec une sorte de cafétéria juste derrière. Des serveuses jumeaux rouquines qui arriveraient en patin roulette et qui nous serviraient des cocktails bien frais avec une sorte de flipper à l'entrée. Enfin, ça pourrait être bien, quoi. Ouais. Ouais, ça pourrait être bien, ça pourrait être bien avec des petites engueulades. Tout le monde sort avec tout le monde, personne couche avec personne. Ah, Bruno? Ouais. C'était bien, c'était drôle. C'était terrible. Tu veux qu'on le remette, c'est ça? Non, c'est bon Max, je veux bien être gentil avec toi et dire que c'était drôle, de là le rediffuser, qu'on faut quand même pas nous prendre pour des cons. Alors avant qu'on accueille Lionel et Stéphanie, parce que Lionel ça fait un bon bout de temps qu'il attend, mais il a 35 ans, c'est normal. Les filles, je veux des chaudasses, putain, je veux. C'est hallucinant, hein, on veut des chaudes du cul quoi pour Lionel. Parlons peu mais parlons bien, on veut des chaudasses du cul, des filles qui aiment bien le zizi, qui aiment bien décoincer les. Voilà, vous avez plus de 20 ans, vous avez envie de vous taper un mec de 35 ans, simplement lui parler, lui chauffer un petit peu, mais allez-y quoi, qu'est-ce que vous attendez? Appelez-nous 0803 08 5000. Avec Bruno et grâce à Bruno, nous avons écouté l'introduction de notre ami Nono en direct sur MTI, une radio locale régionale, et on a le numéro de standard pour faire des dédicaces. Alors, est-ce que pour l'instant, Bruno, Nono a fait d'autres interventions? Oh bah, il en a fait tout le temps. Hein. D'accord. Il en fait tout le temps. Faut que t'enregistres, hein? Bah ouais, tout l'histoire. Il faut m'envoyer la cassette de Nono. Ouais, je te l'enverrai. Et vous m'envoyez, d'accord, c'est très important. Parti. Attention, on appelle, là, donc le standard de radio MTI, et on essaye absolument de faire une dédicace. Et de pouvoir l'entendre en direct après sur la radio Nono MTI. Hein. Ça sonne dans le vide, donc c'est déjà bon signe, ça veut dire que ça sonne. MTI, bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que c'est possible de faire une dédicace? Non, il y a une boîte vocale directe, garçon. Pardon? Une boîte vocale. Directe? Ouais, 52-10. À 52-10. Et c'est ce que j'ai fait, non? Non. Merde, c'est sur antenne avec Max. Ah, c'est Max, là, l'appareil. Oui, là maintenant, ouais. Quoi? Alors, deux secondes, s'il te plaît. Ouais, je vous en prie. C'est Nono. Merde, mais moi je voulais pas ça, moi je voulais faire une dédicace. On peut pas? Ah si, bon, faut faire un autre numéro. Ne te fais rien, MTI de nouveau son, ça part de là. On va direct dans les studios. Oh, je suis sûr. Attendez, on a entends en même temps. Entends quoi? Bah, animateur. Oui, donc Max, à cause de news. Et toi? Ça va, ça va. Ça fait longtemps que je t'avais pas entendu. Oui. Ça va bien? Ça va, ça va. Je voulais faire une dédicace, mais je trompais le numéro. Et voilà. Et merde. Ça fait tellement longtemps qu'on s'était pas eu. Et comme tu me donnais plus de tes nouvelles, comme ça, en début d'émission, on m'a parlé de radio, j'ai dit tiens, Nono MTI. Ça va bien? Ça va. Ça va, t'as l'air froid et distant là, hein? Non, non. C'est plus le même Nono qu'on a connu à une époque, hein? Mais non, mais c'est fatigué. T'es fatigué? Ben oui. Bah, il faut demander une journée RTT. Regarde-moi, sur mes trois personnes avec qui je travaille, il y en a un qui a pris une journée RTT aujourd'hui, il faut faire pareil. Ouais, mais ils ont la belle vie. Oui, ceux, ils ont la belle vie, ils ont de la chance, nous on peut pas, nous, hein. Ah, j'ai regardé le site internet, ça cartonne du lundi au jeudi, pourquoi tu fais pas le vendredi soir? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je fais vendredi, samedi, je fais les boîtes. Ah, dans quelle boîte vendredi on peut te voir? Discothèque, le patio. Ah, toujours, à chaque fois? Ben non, on fait toutes les boîtes sur les 5 départements. Ah, d'accord, mais avec en association avec la radio MTI. Voilà. Voilà, bon bah c'est grâce à un auditeur qui s'appelle Bruno, qui appelle de Pierre Latte, ouais, il est en direct avec nous, et c'est lui qui nous a fait écouter l'introduction de ton émission à 22h. Ah bien. Bah, t'as changé, hein, t'es quand même. T'es plus tristouna au micro que tu l'étais avant. Hein. Non, non, un poil plus calme. Un poil plus calme, ouais. Tu t'es assagi, c'est quoi? C'est. Tu vieillis, t'es comme moi, quoi. Voilà, c'est. Voilà, exactement. Moi aussi c'est pareil, je me suis beaucoup assagi, du coup, voilà, moins écouté, moins d'audience, sur la sellette, quasiment près d'être viré. En même temps, ça coûte cher parce que ça fait plus de 12 ans que je suis là, donc l'ancienneté, tu sais ce que c'est, ça fera un gros chèque. C'est clair. C'est mais clair. Voilà, quoi. Toi t'es comme moi, voilà. Maintenant, voilà. Tu coûtes cher à MTI, moi je coûte cher à Fun Radio. Voilà. Alors faut faire attention, fais pas la même connerie que je risque de faire un jour, c'est de faire une grosse faute qui suffirait à la radio de dire tiens on va le licencier pour faute grave. Et ouais, ça c'est ce que attend la direction de Fun Radio, mais ils me baiseront pas la gueule, te fais pas baiser non plus par la direction d'MTI. Hein. Non, mais pas non, de conneries, hein, d'accord. Ils sont adorables. Ouais, je sais, toi t'as de... Oui, mais moi, ma direction aussi est adorable. Ils sont toujours adorables, mais ils te mettent un coup de couteau dans le dos, ils te tapent dans le dos, puis par derrière, paf. Un coup de couteau dans les omoplates, tac, tu tombes, t'es pas bien, hop, tu hop. Et puis t'essaies de te relever, puis des fois c'est pas simple. Mais bon, hé, ouais. Hey, je vais te laisser bosser. Voilà. Et puis au plaisir, hein. Eh ben au plaisir. Un jour tu m'avais dit que tu viendrais sur Paris, que tu viendrais me voir, tu m'as jamais venu, t'as jamais tenu promesse, hein. Si, ça va être promis, normalement au mois de mai on doit monter. Putain, mais alors là tu viens avec tout, tu vas venir avec ta femme ou avec toute l'équipe d'NTI? Non, je vais venir avec le chef d'antenne. Non, bah alors là vous venez tous les deux, hein. Voilà. Vous serez les bienvenus comme ça. Eh, hey, vous pourrez prendre des photos comme les Japonais. Ouais, et tout, avec comme ça vous verrez un petit peu le matériel et tout qu'on a, vous allez voir, vous allez être sur le cul, on a que des trucs avec des beaux écrans qui servent à rien. Ici, il y a du matériel, mais il n'y a rien. Ici, on a du matériel, mais il n'y a rien qui fonctionne. Faut toujours passer tous les 10 jours. Excuse-moi, technicien, tu pourrais me réparer ton truc, là, ça marche pas. Ou alors si je mets ça, il y a ça qui marche plus. Si j'allume ça, il y a ça qui marche pas. Ah là là là là. Où est-ce qu'elle est ces bonnes vieilles radios qu'on avait à l'époque, là, sur Neuilly, on se faisait pas chier, on avait trois bouts de ficelle, mais putain, ça marchait, hein. C'était ça qui était bien. C'était la radio Ouais. La vraie. Je mettais ma bite dans une prise et ça donnait du jus au moins. Là ça donnait du contact, là on a plus de. En tout cas ça m'a bien fait plaisir de t'avoir Nono d'MTI. Eh ben moi aussi, je t'es pas mort, je suis pas mort. Non, je suis pas mort. Mais moi non plus. Tout va bien. J'existe toujours. Voilà, bonne bourre à toi. Bonne bourre. Ciao, salut. Ciao. Et le bouton du volume au maximum. Commande. Tu le dis toi, commande. Ah tu vois. Hobson. Et ça fait libérer ton esprit, ton cul sûr. Hein. Voilà, Hop Sound of the Weekend, de son week-end. Bonne mémoire. Bah ouais, mais toujours, tu sais, tu le dis plus ça. Non. Ah, tu devrais. Tiki down, non. Truc de canal, c'est Chicha. Chicha, d'accord, ok, il confond. Chicky down. Ouais, c'est presque ça, quoi. Allez, bonne bourre à toi, Nono. Allez, bonne bourre et bonne soirée. Voilà, ça fait plaisir d'avoir Nono d'MTI en direct à la radio. On appelle dans des studios. Quoi? Dédicace, on va faire une petite dédicace. Je sais pas si on peut le faire. Pendant ce temps-là, les filles, je vous demande toujours de nous appeler au 0800 308 5000. On a toujours des problèmes avec ces enfoirés de France Télécom. Il n'y a pas d'autre nom. Hein. Par moment, il faut dire ce qu'il y a. Il faut appeler un chat. On a des problèmes de standard. Pas attribué. Bon, bah, ça fonctionne pas. C'est pas grave. On aura. Je me suis trompé, je suis con. D'accord. Je voulais juste dire que oui, on a des difficultés. Des fois, malheureusement, il y a trop d'appels. Et ce qui fait que, bien sûr, on a toujours ce même problème qu'on avait à l'époque de Nini, qu'on retrouve aujourd'hui maintenant sur Paris, bien sûr. Le standard, un coup ça sonne plus, un coup ça explose comme la dernière fois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Répondeur téléphonique, Radio MTI. Vous avez un message, une dédicace, un coup de gueule. Parlez après le bip, l'antenne est à vous. Ouais, salut, le bouton du volume au maximum. Ce soir, je voudrais faire une dédicace avant minuit avec mon pote Nono d'MTI, c'est super. Je m'appelle Stéphane, je suis avec tous mes potes, on est de Pierre Latte, et on a envie de choisir Daddy DJ et mettre le bouton du volume au maximum, si c'est possible d'avoir la version remix Speedy G, ça nous ferait bien plaisir. L'équipe, allez, gueulez. Hop, ça est Jigsaw, le week-end, MTI number one. Chaud dans ton cul. C'est bon, coupez, coupez. Voilà. Voilà, c'était impeccable. Merci Bruno en tous les cas de nous avoir fait revivre ce grand moment de Nono d'MTI. Franchement, ça fait plaisir. Ouais. Hein, et c'est pas moi qui le dis, hein, tu sais. Franchement, Max, ouais, ça fait plaisir. Voilà, Abdel, DJ Abdel, bien sûr que ça fait plaisir. Hein. Bruno, ouais. J'espère que tu m'enverras une copie de cette cassette que tu es en train d'enregistrer ce soir de Nono d'MTI, d'accord? Ah bah, je t'enverrai, pas de problème. À plaisir, au plaisir. Et j'espère que Nono tiendra promesse et qu'il viendra bien avec son chef d'antenne et qu'il viendra ici même dans ses studios pour dire oh, oh là là là là là là. Mais c'est magnifique, ces deux grosses enceintes derrière. Ça marche pas. Ah, mais non, c'est génial. Et le truc là, pour poser les platines, ça marche pas. Ah, oh, c'est du beau boulot. Oh, je vois que les DJ, ils ont deux tables de mixage. Bah ouais, parce qu'il y en a une qui marche pas bien, l'autre qui marche pas bien. Comme ça permet d'en avoir deux, puis il y en a une qui marche complète. Oh, bah c'est génial tout ça. Bah dis donc, ça fait plaisir. Hein. Mais ton standard, il appelle pas, Max. C'est normal, France Télécom, il nous casse les couilles. C'est comme ça tous les soirs et on fait rien pour que ça fonctionne. Ah, oh, bah c'est génial alors, dis donc, Max, on est gâté. Hein. Bah oui, c'est comme ça, c'est aussi ça la radio libre. Hein. On fait avec deux, trois bouts de ficelle. Des bouts de ficelle qui valent des millions. Hein. Ouais. Mais c'est des bouts de ficelle quand même. Hein. Alors enfin, le voici, le voilà. Quel plaisir de l'accueillir ce soir. Lionel, 35 ans de Paris. Qu'est-ce que t'as été gentil d'être patient, toi. Je sais que ça. Sans déconner, 35 ans. Ça fait une heure que j'attends. T'en as ras le bol. Non, pas trop. Il est en train de se dire, tu sais, moi, Maxou, je suis pas un petit gamin de 15 ans. J'ai pas trois quarts d'heure, une heure à attendre au standard, machin. Je suis désolé, mais tu sais, des imprévus. Le sitcom, le kiki, donc, le morceau d'IAM, MTI en direct. Tout ça, c'était pas prévu. Non, mais en plus, on n'arrête pas de me dire, faut que t'aies la pêche, alors. Mais t'as la pêche, t'as la banane, t'as tout ce que tu veux, toi, t'inquiète pas. Ouais, ouais, je m'inquiète. Alors, Lionel, en deux mots, alors, petit problème. En deux mots, physiquement, je suis plutôt pas mal. Ouah. Et modeste.